pense qu'une des parties les plus difficiles, c'est finalement de rester motivé. Parce que souvent, défendre les droits de l'homme, ça peut être très, très frustrant. Je me rappelle, j'ai souvent signé le pétition d'Amnesty International. Souvent, je le fais toujours. Et ça arrive pas mal de fois que finalement, ça ne sert à rien. Et ça peut être vraiment frustrant. Si on s'occupe d'une histoire, d'une personne, on a vraiment commencé à sentir même une connexion avec cette personne et son histoire. Et finalement, la pétition avait pas de succès. Et ça peut être vraiment frustrant et je trouve que ça, c'est une des parties les plus difficiles.